You hear me? Rémi? Tu es là? Tu m'entends? Tu m'entends? Attends. Attendez. Tune ma guitare. Tu peux monter un peu ton son? Y a du son? Tout petit peu plus fort. Je vais essayer de te faire un accompagnement pour que tu puisses... J'accorde ma guitare. C'est mieux. Face you all in the eye. We all in the heart. We dig in our air. Ah, je mets une batterie. Ça va plus vite que ça. Ça va plus vite alors. Ça. Attends, je suis en train d'arriver à un truc. C'est en 12 mesures ce truc. Je cherche une mesure, mais. C'est quoi cette mesure là? Ah merde, je suis pas calé. Je recale. Et là, ça ira mieux. Alors, j'ai trouvé un truc avec 12 mesures. 1, 2, 2, 1, 3. Thank you. 推起身。C'est 48, hein, il me semble. Pas très bon en solfège. Je crois que c'est ça. Attends la batterie après. 1, 2. Une batterie. Attends, je regarde si c'est une batterie. Ah oui, si c'est. Je vais faire une batterie en 48. Déjà, tac. Blues. Oh, j'ai le blues. Oh, j'ai le blues de toi. Oh, j'ai le blues. Alors, blues. Qu'est-ce que j'ai? Driving. Driving at. C'est tout pareil ces trucs. Ah, blues sample. Off time. Je cherche, hein, je cherche. Ça, j'aime pas. Je cherche la batterie. Putain, blues. Country. Slow. Play the blues. Waouh, ce machin. J'avais trouvé un truc hyper long. Ça donne quoi ce fort? Ah putain, toutes les mesures qu'il y a là. Après, ça se cale pas. Ouais, d'accord, je peux caler juste ce que je fais après. En fait, là, il y a un.